بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره من تفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زلنا في باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام، c'est-à-dire ça s'appelle دعاء الاستفتاح. On avait pris dans le cours précédent le hadith rapporté par Muttafaqun alayh selon Abu Huraira que le prophète عليه الصلاة والسلام il marquait un silence entre la son takbir, takbirat al-ihram et al-qira'a avant d'ouvrir la lecture de la Fatiha. Fait il l'avait remarqué Abu Huraira que le prophète عليه الصلاة والسلام il disait des choses. Fait il lui a demandé فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. On a pu voir que cette dua, dua l'istiftah, c'est la dua qui est la plus authentique parmi les dua de l'istiftah. Qu'on va voir, inshallah, tabarak wa ta'ala, il y en a qui sont légiférés pour as-salawat al-mafrouda, les prières qui sont obligatoires, comme celles qui sont surérogatoires, comme c'est le cas pour cette dua-là. Et on va voir aussi, kadhalika, d'autres anwa' catégories parmi dua l'istiftah, lakin, certaines ne sont légiférées qu'à dire que pendant les salawat qui sont nafilah, et non pas dans les salawat al-mafrouda, comme ceci va venir, inshallah, tabarak wa ta'ala. On a pu voir à travers ce hadith que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avant de ouvrir la al-fatiha, de la lire, il disait cette dua-là dans laquelle il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve de péché. Et de plusieurs manières. La première des manières, c'est que il place entre nous et nos péchés une mubahada, une distance, afin qu'on soit loin de ces péchés-là et qu'on ne soit pas tenté d'y tomber dedans. Comme on a pu voir, Ad-Da'if, si jamais il est confronté à un péché, même si jamais il le condamne et juge de ce péché-là que c'est un mal, lakin le da'if imanihi, il peut tomber dedans et récidiver plusieurs fois. C'est que cette personne-là s'écarte de ce péché-là, afin qu'il ne le voit pas, qu'il ne le rencontre pas. C'est qu'il met une distance entre toi et tes péchés. Comme on peut voir à travers cela, il y a une exhortation à la hijra. Le véritable muhajir, c'est celui qui s'écarte des choses dont Allah azawajal lui interdit. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. On a pu voir que ça, c'est propre à l'istighfar. L'istighfar, يعني إزالة الوسخ. Il vient pour effacer la saleté. Comme on efface la saleté du vêtement qui est blanc. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. Ensuite, il demande à Allah عز وجل qu'il fasse un autre lavage qui est إزالة الأثر, afin que la trace ne soit plus présente dans le cœur. Comme on a pu voir, l'insan, il peut demander le pardon et regretter ce qu'il a fait, lakin, est-ce qu'il a une forte conviction à ne plus revenir dessus? Enfin, ça, c'est une autre chose. Enfin, ça, c'est cette dernière partie du hadith, c'est propre à la tawbah. Car celui qui toub il Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est demandé de regretter, de s'écarter de ce péché-là et de ne plus avoir la volonté de le refaire et le désir de le faire. Fa Allahumma sinni min khataya, ça c'est khas, c'est particulier à la tawbah. La tawbah, c'est izalatu al-athar, qui est dans le qalb. Il n'a plus cette envie-là de revenir sur ce péché-là. Les thalji wal-ma'i wal-barad, il a évoqué trois sortes de liquides, car les ulama, ils ont évoqué que le mukaffirat, les expiations des péchés, sont de trois catégories. La tawbah, et c'est l'ultime, c'est l'expiation absolue. Il n'y a pas plus haut que la tawbah. Ensuite, al-istighfar, comme on a pu voir, il peut demander pardon, mais il regrette ce qu'il a fait, mais dans son cœur, il y a toujours ce désir, cette volonté de recommencer. Enfin, c'est en dessous de la tawbah. Amat tawbah, il n'a plus de désir, et Allah Azza wa Jalla lui fasse ce péché-là. Et le troisième catégorie, c'est l'amal salih. Inna al-hasanat yidhibna al-sayyat. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Et ici, il a évoqué les choses qui sont froides, comme on a pu voir, car c'est munasib par rapport aux dhunub. Les dhunub, c'est un sabab, min asbab al-nar, comme a dit subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ النَّارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا بَدَى. Fait les ulama, ils ont déduit à travers cette ayah-là que le ma'asi, les péchés, sont un intermédiaire menant à l'enfer. Yani, c'est-à-dire menant à la chaleur de l'enfer. Enfin, Allah Azza wa Jal, plutôt le prophète, alayhi wa sallam, l'a évoqué ces choses qui sont chaudes et qui sont froides plutôt, afin de, que ce soit abler, que ce soit plus opportun par rapport à la chaleur, yani, qui se doit d'être éteinte par une chose qui est extrêmement froide. Ça, c'était un khulasa par rapport à l'explication, la muraja'a. C'est important, la muraja'a, c'est un tazkir. On se rappelle des bienfaits d'Allah et Azza wa Jal. Ça, c'est une dua qui est importante. Elle peut être dit kadhalika en sujoud. Lakin, son mourdi', son emplacement, c'est dua l'istiftah. Lakin, rien n'empêche de implorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette dua en sujoud. Qala al-Nabi, salawatullahi wa salamu alayhi, qala wa amma sujoud, fa'akthiru min al-dua. Quant au sujoud, multiplier les dua dans le sujoud. Ça fait partie des dua. Ça fait partie des min yani khayrat al-dua. Des meilleurs dua. Demander le pardon à Allah Azza wa Jal, qu'il t'éloigne des péchés, que tu n'es plus amené à être face à ce péché-là. Qu'Allah t'efface ce péché, et ensuite, kadhalika, il efface cette trace-là dans ton cœur, tu n'as plus de volonté, de désir de le faire. Fait ça, c'est une dua qui est azim jiddan. Celui dont Allah Azza wa Jal exauce cette dua-là, il a la khair jiddan. Il a la khair jiddan. Qala, et wa min al-ad'iyah, qui sont légiférés à dire dans dua l'istiftah. Qala, كان يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات وأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي بعض الرواية وأنا من المسلمين. قال الشيخ أكثر رواية في هذا الحديث وأنا أول المسلمين. Donc il est venu de deux versions. أنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فهذا الحديث في حديثي له رواه عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Et dans la riwaya de Muslim, c'est écrit wa ana awwal al-muslimin. Et dans d'autres versions, il est dit wa ana min al-muslimin. هذا الحديث إلا إن بداية ذلك اللي دي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام se levait pour accomplir la prière. Donc là, le terme de la prière, c'est large. Ça peut être la prière qui est نافلة, qui est surérogatoire, ou bien celle qui est واجبة, الفريضة. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى il a évoqué ce hadith-là dans le chapitre des دعاء الاستفتاح في الليل. Il a évoqué ce hadith-là dans Dua al-Istiftah fil layl, afin de nous indiquer que ce dhikr et cette dua, elle est propre aux salawat qui sont nafilah. La prière de nuit, il n'y a rien n'empêche de le dire dans salat al-nafilah. Amma salat al-layl, salat al-fariida, faladhi yadhhar annahu la yashra'. Il n'est pas légiféré de dire cette dua, ce dhikr, dans les prières qui sont obligatoires. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لأن هذا الاستفتاح طويل تحسد دعاء الاستفتاح عليكوا على لونج والنبي صلى الله عليه وسلم il n'était pas observé qu'il marquait un temps d'arrêt, un silence, يعني aussi long que cette دعاء et ce ذكر là. فالذي يظهر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله c'est que ceci est propre pour les salawat al-layl ولا مانع qui fait cela dans les salawat qui est nafila. Il n'y a pas de manière par rapport à cela. Lakin, dans les salawats qui sont farida, cinq prières obligatoires, même hatta si jamais c'est toi l'imam, c'est toi qui la préside, car tu as une dérogation, tu es à la maison, tu es ceux qui sont malades, les femmes et l'akhiri. Enfin, il est légiféré de dire la doha qu'on a étudiée dans le dars précédent, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya, et kadhalik celle qu'on va voir après. Amma, celui-là, cette doha-là, ce zikr-là, il est légiféré pour salawat al-layl wa nafila, wallahu a'lam. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات عند حنيفة وجهت et j'ai orienté mon visage en direction de celui ou vers celui qui a créé les cieux et la terre حنيفًا et je me suis orienté vers Allah سبحانه وتعالى باستقامة حنيفًا هونا comme on va le voir c'est باستقامة يعني dans la droiture je m'oriente à Allah سبحانه وتعالى c'est-à-dire je me dirige du côté de la qibla تمام. Et ma'ruf, lorsque tu es dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala est bainak wa bain al-qibla. Il est entre toi et la qibla. Allah subhanahu wa ta'ala est dans cette direction-là. Wa huwa fi sama. Et il est dans les cieux. Et كذلك قال العلماء الوجه الثاني c'est الوجه القصد. وجهت وجهي, c'est-à-dire je me suis mis en direction de la qibla ma'rufa. Et كذلك وجهت أي وجهت القصد. J'ai orienté ma sincérité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'orientation, elle est de deux. Tawjih bil badan, c'est-à-dire on se met en direction de al-qibla, l'is-salah, al-nafila wa ghayr al-nafila. Et kadhalika, il oriente sa sincérité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit yashmal wajh al-badan. En direction de la qibla, c'est-à-dire la sincérité. Enfin, on oriente deux choses. On s'oriente vers la direction qui est légiférée, qui est la qibla. Et كذلك, on oriente notre sincérité ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ila ghayrihi jalla wa ala. Comme ça va venir. Inna salati, la prière elle est pour Allah jalla wa ala. Et wahdahu la sharika la. Lilladhi fatara samawati wal ard. Comme vers celui qui a créé les cieux et la terre. Car en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, personne n'a créé les cieux et la terre. Donc ceci montre qu'Allah, azza wa jalla, mérite l'ibada. Liesh, ka'anhu qila, c'est comme si elle me s'était dit, pourquoi? J'oriente mon visage et ma sincérité vers Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'en dehors d'Allah, personne n'a créé les cieux et la terre. Donc ça, c'est un signe de ruboubiyya, qui appelle à al-ubudiyya. Kama qala jalla wa ala, ya yuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris comme dalil, comme preuve, pour montrer qu'il mérite al-ibada, al-rububiyya. Ya yuhannas, ô vous les gens, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez celui qui vous a créé. Et en dehors d'Allah, azza wa jalla, personne ne crée. Afa man yakhluq, kamal la yakhluq, kama qala jalla wa ala. Fala, il a évoqué, fatara samawati wal ard, deux grands signes et évidents miracles, même si on veut dire signes plutôt, évident qu'il montre que Allah subhanahu wa ta'ala il est le wahid jalla wa ala. C'est lui l'unique jalla wa ala et qui mérite l'adoration. Hanifan, ça c'est un hal. Et au moment où j'oriente mon visage, je le fais avec sincérité. Al-Hanif, ils ont évoqué plusieurs explications pour cela. Al-Hanif, ils ont dit c'est le ma'il ila din al-haq, c'est-à-dire c'est celui qui penche vers le din de la religion qu'est l'islam. D'autres ont dit que yutlaq, yani al-Hanif, عند العرب على من اتبع دين ابراهيم تم سي ان une appellation qui est donnée à toute personne qui suit la voie d'Ibrahim qui est la voie de la sincérité la voie du tawhid ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا كما قال جل وعلا puis nous t'avons révélé de suivre la voie de Ibrahim عليه الصلاه والسلام qui était l'imam des mouhidin وقيل المستقيم et toutes les معاني qu'ils ont évoquées c'est des معاني qui sont corrects, yani, pour la définition de Hanif. Celui qui a un penchant, yani, de sincérité vers l'islam, celui qui suit la milla d'Ibrahim, et celui qui est mustaqim. C'est-à-dire qu'il le fait cela, il s'oriente vers la Qibla, et ça implique cela qu'il soit sincère dans cette œuvre-là, qu'il est mustaqim dans sa religion. Qala wa ma ana min al-mushrikin. Ça, c'est un tawkid de Hanif. Al-Hanif, c'est qui? C'est celui qui est muqbil ala tawhid. Comme a dit les ulama, al-muqbil ala tawhid al-mu'rid an al-shirk. C'est celui qui est sincère dans sa religion, qui voue ses œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui se détourne du shirk. Et كذلك هذا المشركين. وما انا من المشركين. Pourquoi? Parce que je suis un hanif. Je suis un hanif. قال ان صلاتي, il appuie cela encore. ونسكي. الصلاة معروفة. الصلاوات, lorsque c'est évoqué dans le shara, c'est la prière obligatoire, 5 les prières qui sont connues. Parce que salat, ça peut être utilisé comme dua. وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. Là, ce qui est voulu ici, dans وصلي عليهم, c'est le dua. Et ادعو لمن أخرج الزكاة, celui qui a donné la zakat, ادعو له. Demande à Allah pour lui al-baraka wa ila akhirih. Lakin là, ce qui est voulu ici, c'est la prière qui est ma'rouf, ذات ركعات وسجدات, celle qui est avec des ركوع et des سجود. قال ونسكي النسوك, قال العلماء هو العبادة. النسوك on l'utilise, on l'emploie pour l'ibada. وقال بعدهم المراد بالنسوك وما يتقرب به من الذبائح, ces sacrifices qui sont voués pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les sacrifices, yani que toutes les viandes qu'on égorge pour Allah azza wa jal, que ce soit pour manger ou bien pour inviter quelqu'un, ou bien celles qui sont fait yani lors des grands rites, عيد الأضحى إلى آخره, العقيقه كذلك يدخل فيه. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين, ما في ما مات pour Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال جل وعلا إن لله, et on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, nos vies sont pour Allah جل وعلا, وإن إليه راجعون, هذا بمعنى ومماتي لله رب العالمين. فcelui qui dit cela avec conviction, si réellement nous on a la conviction que محيانا ومماتنا على لله عز وجل, que nos vies et nos morts sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال جل وعلا, on doit assujettir nos vies dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y en a beaucoup qui connaissent cela, lakin la véritable connaissance c'est la mise en pratique. Certaines des personnes, ils vont te dire il n'y a rien à faire aujourd'hui, ou bien je m'ennuie aujourd'hui. Là, hayatuka lillah, Allah azza wajal l'a légiféré din, et il a légiféré beaucoup de turqat afin de pouvoir se rapprocher d'Allah azza wajal. Il y a beaucoup de voies qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont multiples: talab al-ilm, as-salawat, al-dhikr, al-du'a, al-siyam, الزكاه الصدقه, il y a beaucoup de voies qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait le fait de dire il y a rien à faire ou bien je m'ennuie, ça c'est une personne qui a oublié ايش معنى ان لله, on est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait كيف on peut dire ce genre de parole là, ça c'est d'insouciance. Ça لله, notre vie sont pour Allah, donc comment on ne peut rien avoir à faire. Allah azza wa jalla huwa al-hayy alladhi la yamut, c'est le vivant subhanahu wa ta'ala, celui qui ne meurt pas. Donc يعني العباده, c'est ça se finit pas. La ibadah se finit pas. Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Fa, la ibadah lillah subhanahu wa ta'ala, elle se finit pas. Fa, ce qu'on là, c'est un qu'on qui montre l'insouciance. Il oublie. Allah, insan, il oublie qu'il est, il a été créé pour un but bien précis qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Afin qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, si jamais on sait cela, et on le sait, la kin est l'application, tu vois. Et ça nous demande d'être attentif lorsqu'on s'écarte un peu des objectifs pour lesquels on a été créé, de se rappeler cela. Mahiyaya wa mamati, afin de ne pas s'oublier et de plonger avec les gens qui plongent dans la dunya. On ne dit pas qu'il faut s'écarter totalement de la dunya, lakin tu as été créé pour l'akhira. Qala subhanahu wa ta'ala, wabtari fi ma ataka Allah dar al-akhira. Recherche à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dar al-akhira. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. L'insan, il a besoin de travailler, il a besoin de se marier, il a besoin de ceci et cela, il a besoin de d'argent pour faire le hajj et l'akhirif. Il a besoin de ces choses-là, lakin, ces choses-là, min al-hayat al-dunya, il ne faut pas que ce soit un divertissement. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي تنقلبهم. Il ne faut pas que ce soit un divertissement. Que cette hayat al-dunya te à tes cartes de l'maqsad al-akhira. N'aham. Fala yagurwannakum al-hayatu al-dunya, comme qu'a dit Jalla wa ala. Que la vie d'ici-bas ne bouge pas. Wala yagurwannakum billahi al-gharur. Ya yuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Que vos biens et vos enfants ne soient pas une source de distraction qui vous distrait de l'heure du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et toute ibadah, c'est un rappel. وأقم الصلاة للذكر, accomplis la prière afin de te rappeler de moi. فالعبادة سان ذكر, ceux qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jalla ne l'oublie pas. Et ne l'oublie pas. Il ne faut pas que cette vie d'ici-bas soit une source de distraction. Tu peux la prendre pour que ce soit une aide t'aidant à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Lakin, il faut pas que celle-ci te distrait. Wa mahyaya kazalika. Il ne faut pas qu'il pense que la vie d'ici-bas, il va vivre éternellement. Il est de passage dans cette vie d'ici-bas. Il est là pour semer. Afin de récolter ce qu'il a semé en bien, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, yani inda Allah Azza wa Jal, fil akhara. Fa ad-dunya, c'est une mazra'a. C'est un champ dans lequel elle mu'min y sème. Afin de récupérer ces fruits-là, yawm al-qiyama. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Celui qui œuvre, yani, le verra. Certains ont dit c'est l'atome, certains ont dit c'est le poids d'une fourmi, le muhim. Celui qui œuvre, le verra yawm al-qiyama. Kama qala أم الدرداء رضي الله عنها فقولوا كل زارع حاصد كل زارع حاصد toute personne qui sème récoltera que ce soit en bien ou bien en mal en bien ou bien dans le mal on est là pour semer du bien dans cette vie d'ici-bas qui est comme une mazara comme un champ cette vie d'ici-bas elle est éphémère tout comme nous sommes éphémères donc mamati il faut pas oublier wa mamati kadhalika lorsque il a un peu une tendance à s'oublier, être diverti, se rappeler. Mamati. Et ça peut venir à n'importe quel moment. Ça peut venir à n'importe quel moment. Enfin, il faut qu'il fasse tous les efforts que maqal subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. De mourir qu'en état de pleine soumission, dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ça, c'est un rappel de la vie et de la mort. Un rappel de la vie, que ta vie se doit d'être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un rappel que tu n'es pas éternel et que tu vas venir à mourir. Donc un rappel de la mort. Les deux sont liés. Les deux, ils sont liés. Ils poussent à, yani, annahu yuqbil ila ta'atillah. Afin d'avancer, c'est vertueux dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son obéissance. Fait ça, c'est un dhikr. C'est un rappel qui est énorme. Dont on a besoin. Tam. Mahya wa mamati. Juste, on se rappelle de ça. Mahya wa mamati lillah rabbil alamin. Elle n'est pas les dunya ou bien les awlad ou bien ceci ou bien cela. Les l'amal, certains, yani, leur vie d'ici-bas, c'est l'amal. Ils parlent que d'amal. L'amal, le travail, qu'est-ce que t'as fait, ceci, le travail. Il n'y a que le travail dans leur bouche. Ils oublient qu'ils sont lillah. Que leur vie et leur mort, elles sont pour Allah jalla wa ala. Donc il faut qu'ils parlent des choses qui sont liées à Allah. Al-ibad. Qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as fait, quelles sont les choses que tu as mis en application? Quelles sont les choses dont tu n'as pas mis en application? Fais ça, il faut s'auto-juger. Si nos vies sont pour Allah Azza wa Jal, car viendra le jour du jugement. Ça, c'est un rappel qui est énorme. Wa mahyaya wa mamati. Celui qui le dit et qui se remémore ce genre de choses-là, fait Inch'Allah, il va rentrer dans la prière avec Yani Anirbel. Son cœur, il va être concentré, Inch'Allah. C'est-à-dire, sur Al-Khushu'. Cette dua-là d'Istiftah, c'est une dua qui ouvre ton cœur pour, être sincère, pour être attentif à ce que tu dis. C'est ces dua qui sont rendus jiddan, c'est pas de simplement. Qala la sharika la. C'est un appui avec un tawkid. Que nos vies sont que pour Allah. Qala bidhalika umirtu. Et c'est pour cela qu'on m'a ordonné. Ou plutôt, c'est de cela qu'on m'a ordonné. C'est-à-dire de assujettir ma vie et ma mort pour Allah, jalla wa ala. D'assujettir mes salawat. Et un nusuk pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fahawana, il a évoqué, naam, avant j'avais oublié cela, dans salat et nusuk, pourquoi il a évoqué ces deux genres de ibadah? À cela, c'est, ils ont dit, c'est a'zam. Comment s'appelle l'ibadat? L'ibadan, tam. Allati ta'allaqa bil badan. Les meilleures œuvres qui nous rapprochent d'Allah, jalla wa ala, concernant yani notre corps, c'est la prière. Et les meilleures œuvres qui nous rapprochent d'Allah, azza wa jalla, yani concernant notre argent, nos biens, eh ben, c'est un nusuk, le fait d'égorger pour Allah, jalla wa ala. C'est pour ça que ces deux-là, ils ont été évoqués, wallahu alam, comme ont évoqué certains des ulama. Fa hayatuna lillah, et on a été ordonné pour cela. Allah nous a ordonné cela. Kama qala jalla wa ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que Allah azza wa jal uniquement. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ça c'est un khabar urida bidhalik al-amr Allah azza wa jal yani informe d'une chose lakin à l'intérieur cette information là on y retrouve à travers cela un ordre qala wa ana min al-muslimin et je fais partie des musulmans et dans d'autres versions wa ana awwal al-muslimin wa ana awwal al-muslimin certains des ulama ils ont dit yani il est pas propre à ceux qui sont en dehors du prophète, alayhi salam, de dire, wa ana awwal al-muslimin, car tu n'es pas le premier soumis. Et certains ont dit, lorsqu'on dit « wa ana awwal al-muslimin », ce n'est pas un khabar. On n'est pas en train d'informer que nous sommes les premiers musulmans. Tam. Laquelle on est en train de répéter et on est en train de suivre la formule qu'a évoqué Ibrahim. « Wa ana awwal al-muslimin » Comme a dit le Nabi sallam, il a répété lui aussi « wa ana awwal al-muslimin » Nous, nous, kadalika, on répète. De cette formule-là, « ana awwal al-muslimin » est « iqtida'an ». On répète yani, ce qu'a dit Ibrahim. Et non pas dans, la, dans l'intention de dire que nous sommes les soumis, que nous sommes les premiers soumis. Ma'annahu, là parce que tu dis « ana awwal al-muslim » pas dans le sens que tu es le premier, laquelle, lorsqu'on t'ordonne, tu es le premier à te soumettre. Lorsqu'on t'ordonne une chose, tu précipites le pas vers l'adoration. Ça peut être aussi cette marna-là. « Ana wal muslimin » et lorsqu'on m'ordonne, j'exécute sur le champ. « Qala Allahumma anta al-maliku la ilaha illa ant » Oh Allah, c'est toi le roi. « La ilaha illa ant » et pareil, il a évoqué « al-mulk » Allah Azza wa Jalla, celui qui détient toute chose. Et celui qui détient toute chose, c'est celui qui peut te nuire et celui qui peut te donner profit. Et celui qui peut ni te nuire et te donner profit, ne mérite pas l'adoration. Pour ça, Allah Azza wa Jalla l'évoque beaucoup pour montrer la yani butlan, ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jalla, que ceux qui sont adorés en dehors de lui. La tadur wa la tanfa. La tadur wa la tanfa. Qala anta rabbi. Tawkid. وأنا عبدك ظلمت نفسي. Tout ça c'est du thana. يثنى على الله سبحانه وتعالى. Ensuite il demande. Il reconnaît ses péchés. On fait tous des péchés. On commet tous des péchés. إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا. ظلمت نفسي. J'ai été injuste envers moi-même. Ceci soit par le fait d'un manquement dans les obligations ou bien par le fait qu'il ait commis. Il est perpétué une interdiction. هذا هو الظلم مع نفسي. الظلم ينقسم إلى ثلاثة. Trois sortes de ظلم. ظلم et c'est le plus grand. مع الله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk est une grande injustice. ظلم مع الله يكذب على الله. يكذب الله سبحانه وتعالى. Il يحرف الصفات. Il modifie les noms et les صفات d'Allah عز وجل. فسا c'est un ظلم مع الله عز وجل. Zulmun ma'al ghayr. Ensuite, celui qui est injuste envers les autres, qui donne pas les droits aux autres. Chacun a un droit sur nous. Qala an-nabi sallam wa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, apporté par Muslim, plutôt par Bukhari. Wa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, celui qui a un droit vers toi, tu dois lui donner. Fa zulm ma'al ghayr, par exemple avec les voisins, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses amis, avec les animaux. Et zulmun ma'a nafsihi, par rapport au fait qu'il ne respecte pas la religion, il fait ce qui est interdit et il ne fait pas des obligations. قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي هذا لابد منه. الإنسان يعترف بما فعل يندم. Comme on peut voir من شروط التوبة même l'istighfar. L'istighfar, celui qui demande le pardon à Allah Azza wa Jal, ça peut être que construit et basé sur quoi? Sur un regret. أما الآن, comme on peut le voir avec certaines de personnes qui ont chapelé astaghfirullah, ils répètent une parole. C'est comme s'il disait patate et tomate, ça n'a aucun sens. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu ressens pas le qui reconnaît son péché, qui a un regret, dans la parole, dans les paroles dont il est en train de comment s'appelle de dire astaghfirullah, c'est-à-dire que je demande le pardon par rapport à des péchés. Il y a des péchés qui sont lourds. Donc je demande à Allah l'expiation. Il faut que ce soit des paroles qui en ressentent dans les cas. Surtout yani lorsqu'on dit astaghfirullah, parce que dhamm c'est celui qui anéantit. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu leur péché et Allah Azza wa Jalla les a châtiés par rapport à leur péché. فاستغفرالله, il faut qu'on ressente cette parole-là dans les cœurs. Il faut qu'il y ait un regret. الاستغفار, il est basé sur le regret. Là, بد من. فإذا قال واعترفت بذنبي. Et pour avoir un regret, il faut reconnaître ses torts. Et pour reconnaître ses torts, il faut savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est obligé, connaître son dîn. Parce que parmi les masaïb, parmi les calamités, le fait de ne pas connaître ce qu'est le péché, il ne va pas avoir de regret, ni qu'il va reconnaître son tort. Bel, il va polémiquer, comme on le voit avec certains, à qui Allah a embelli la bid'ah. Il va polémiquer, il ne va pas avoir que ceci, c'est une interdiction. Pourquoi? Parce que Zouyina lahu, il a des a'mal qui ont écarté d'Allah Azza wa Jal, et il n'est pas muwaffaq par rapport au talab al-ilm. Il n'a pas le furqan qui lui permet de discerner entre les choses qui sont haram et les choses qui sont halal. Et encore pire, le jahl, celui qui se contente de son ignorance et qui vit avec. Enfin, celui qui va tomber dans le péché, qui est jahil, ou bien qui y a des mauvais maqasid, qui a pris la science là où il fallait pas, enfin, cette personne-là, ils sont plus à même de ne pas reconnaître leurs péchés, de ne pas les regretter, et qu'Allah Azza et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces péchés-là. Wa'taraftu bi dhanbi, ça nous demande, awwalan, de connaître ce qui est haram, afin de pouvoir, si jamais on tombe dedans, reconnaître nos torts et regretter ce qu'on a fait. Labbouda min al-ilm. Ce qu'ils ont évoqué par rapport à la taqwa, ils ont évoqué par rapport au nahi. Yashtanib ma'asillah, il s'écarte des péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala nourin min Allah. Avec clairvoyance, c'est-à-dire, c'est pas comme ça, yani, il s'est écarté sans savoir. Il s'est écarté car il sait que ceci est une interdiction. En espérant, à travers cela, la récompense d'Allah. Jalla wa ala. Fala buddha min ma'rifati dhanb. Celui qui ne connaît pas, il va tomber dedans. C'est ma'rouf avec la parole du poète. عرفت الشر لا لشره لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر لا يقع فيه. J'ai connu le mal non pas pour m'y adonner, lakin pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas le mal, assurément il va tomber dedans. كما قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. C'est ainsi que nous détaillons nos ayats, nos versets, afin que la voie des criminels soit claire pour tout le monde, afin qu'ils ne tombent pas dedans. C'est important de connaître sabil al-mujrim, la voie du mal, afin de s'en préserver. Et afin de, lorsqu'on tombe dedans, de reconnaître cette erreur et de regretter. Qala farfin li dhunubi jami'a. Farfin li dhunubi jami'a, hauna, comme on a pu le voir. Al-maghfira, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal la protection contre le mal des péchés, qui sont le fait de se faire dévoiler dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ou bien de se faire châtier dans la vie d'ici-bas et kadalika dans l'au-delà. Zunubi jami'an, tous mes péchés. Parfait, les zunubu, jami'an, zunubi jami'an. Et zambi, il a été nommé zamb. Le zamb, ça vient de zanab, qui en arabe, yani, évoque une chose qui est, mu'akharatu shay, yani, la dernière chose. Et ils ont appelé, ils disent que le péché a été appelé de la sorte car il retarde, yani, celui qui est le commet. Tam. Allah Azza wa Jalla dit, alam nasharah laka sadarak, ووضعنا عنك وزرك يعني pardonné le péché, le péché. الذي انقض ظهرك, celui qui a été un poids, yani, sur ton dos. Fait, le péché, comme il est évoqué dans cette ayah là, c'est un poids, c'est un fardeau que la personne qui l'a perpétué le porte sur son dos. Donc un poids, ça, c'est lourd et ça peut amener à ce que tu prennes du retard. Même certains, ils ont évoqué comme l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, à travers l'explication de cette ayah-là, qu'on trouve dans Bada'ih al-Tafsir, un tafsir dont certains des contemporains ont réuni les paroles dans lesquelles Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a fassar certaines des ayahs, et ensuite ils ont compilé cela dans un livre qu'ils ont appelé Bada'ih al-Tafsir, un tafsir qui est jayyid, en 3 volumes, édition d'Ibn Jawzi, et c'est vraiment une affaire. Al-Muhim, dans cette ayah-là, il évoque que le péché peut être lourd sur le dos, au point, yani, de nous retarder. Parce que nous, on essaie d'aller sur Sirat al-Mustaqim afin d'arriver ila al-Jannah. Enfin, il y a un départ et une arrivée. Et pour y arriver, il faut être hafif, pour pouvoir être sur ce Sirat-là, rester dessus et arriver au bout de ce Sirat-là. Et le péché, ce sont des poids sur le dos qui soit te ralentissent ta course, ou soit carrément te font tomber. Te font tomber et jusqu'au point où tu ne peux plus te relever, comme l'a évoqué l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Enfin, al-Zamb, il a été appelé de la sorte car il retarde. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. Celui dont ses œuvres y en l'ont retardé, c'est-à-dire par les mauvaises œuvres, ses liens de parenté ne seront en aucun cas, ils ne pourront le sauver, plutôt lui faire rater le pas vers le Jannah. قَالَ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ. Car en dehors d'Allah Azza wa Jal, personne ne pardonne. Donc là, il a l'unicité dans إِسْمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَفَّارُ التَّوَّابُ الْغَفُورُ. قال واهدني لاحسن الاخلاق, et guide-moi vers les meilleurs, ou li ahsan akhlaq, parce que là il a pas dit wahdini ila, tam, yani wahdini ila, Il n'a pas dit wahdini ila, parce que normalement l'hidayah c'est ila. Le harf jar qui est approprié c'est ila. Allahu yahdi ila dar salam. Wa innaka la tahdi ila sirat al mustaqim. Donc c'est ila qui est approprié. Et là il a évoqué li. Les ulama ils disent que lorsque un harf jar il est utilisé à la place d'un autre, comme cela, le cas ici c'est lam al jar, il va prendre le sens qui est normalement utilisé pour le harf qui est approprié, donc illa, et il va rajouter un sens qui est propre à lui. Enfin, le sens qui est propre à lui, c'est al-ikhtisas. Yani, tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te particularise, yani, la voie te menant à comment s'appelle au bon comportement. C'est encore beaucoup plus fort. Al-ahsan, ahsan akhlaq, yani, les meilleurs des comportements. Ou ihdini, c'est-à-dire al-hidayah, yani, qasim al-qismain, al-bayan, qu'Allah Azza wa Jal, yani, te facilite à talab al-ilm, te permettre de différencier entre le bon et le mauvais comportement, et à tawfiq, parce que il suffit pas de connaître la chose, il faut aussi la mettre en application. Donc al-hidayah, ça englobe al-bayan, qu'Allah Azza wa Jal t'expose, te montre le bon comportement, et kazalika et tawfaq lil-amal bi, qui fasse de toi que tu œuvres de ce bon comportement-là. Naam. Qala la yahdi li ahsaniha illa ant. En dehors de toi, il n'y a personne qui mène à cela. Washrif anni sayyi'aha, et écarte-moi des mauvais péchés, plutôt des mauvais comportements. La yashrifu anni sayyi'aha illa ant. Kadhalika, en dehors d'Allah, jalla wa ala, personne ne peut faire cela. Yani, c'est-à-dire donner le tawfiq. Une personne peut être un intermédiaire et t'exhorter, مثلا, à être bon envers tes parents. Cette exhortation-là, c'est un bayan. Lakin at-tawfiq as-sadat, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient d'Allah jalla wa ala. فذلك قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les efforts pour montrer à Abu Talib la voie de As-Salam, la voie de l'islam. Lakin, Abu Talib, pour lui-même, il a préféré sur lui-même l'égarement. فالله l'a rétribué par l'égarement. فلما زاروا أزار الله قلوبهم. فالله عز وجل, c'est lui qui donne le tawfiq. C'est pour ça qu'il a été dit ici, لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Je peux venir te dire, attention, al-kadib haram, lakin, ça c'est une chose, après le tawfiq, c'est Allah Azza wa Jal. Qala labbayk wa sa'dayk. Labbayk, c'est une formule qui est utilisée pour dire, yani, olabbi, c'est-à-dire, je réponds à l'appel. Et c'est une, labbayk, c'est comme si elle s'était formulée plusieurs fois, yani, je réponds à l'appel. Yani, ça monte une rahba, un désir. Labbayk, il y a un désir à répondre à cet appel-là. Tu le fais, bien ébété, batin minafsik. Sans être contrarié, sans être forcé. Tu le fais de plein gré. Par amour pour Allah et Azza wa Jal et par désir de dar al-akhirah. Wa sa'dayk, et je fais les choses qui vont pour t'agréer. Tous et donné. Je fais les choses qui vont, me permettre d'avoir ton agrément. Qala wal khair kulluhu fi yadik. بيتك الخير كما قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير entre tes mains et le bien. قال والشر ليس إليك. Donc tout bien vient d'Allah, c'est pour ça que Allah dit وما بكم من نعمة فمن الله لأن الخير كله بيد الله عز وجل. فسلوك كيف الخير إلى بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. Dans les cieux est ce que vous recherchez et ce qui vous est promis. Al-Jannah, c'est-à-dire tout est, on demande à Allah Azza wa Jal. Tout doit être demandé à Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأن الخير كله بيد الله عز وجل. قال وشر ليس إليك. Le char ne peut pas être attribué à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal. ومن الإيمان بالله الإيمان بالقدر خيره وشره. Allah Azza wa Jal خلق كل شيء. Il a créé toute chose et ça englobe le bien et le mal. C'est Allah qui l'a créé. لكن الشر ليس إليك. On peut pas attribuer le mal à Allah Azza wa Jal et dire c'est lui qui l'a fait. وليعذ بالله, dans le sens qu'il a perpétué. Ça c'est une parole qui se dit pas. Il y en a certains qui veulent se décharger d'un péché comme l'ont dit les mushrikoun. لو شاء الله ما أشركنا. يعني c'est de la faute d'Allah. Si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait du shirk. لكن Allah l'a voulu. Naham, il a voulu carisser, comme dans l'ayah, فَلَمَّا زَرُوا أَزَرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Allah Azza wa Jal ne donne pas la guidée, ce bien, ce risque, à Tayyib, aux cœurs qui sont qui sont fanés, les cœurs qui sont pourris. C'est celui qui ne mérite pas la guidée, Allah ne va pas lui donner. Ça c'est ma'ruf. Allah Azzawajal, il donne la guidée à celui qui le mérite, à celui qui le veut. Fahawala, ils n'ont pas voulu. Et wahtajju bil qadar. Par les choses qui sont survenues sur eux. Pour dire, voilà, au fait, nous, on mérite ce qu'Allah Azzawajal a jugé pour nous. S'il aurait voulu, Allah nous aurait guidés. Naam. Allah Azzawajal a appelé tout le monde à se réformer, être droit. Lakin certains ne l'acceptent pas et certains ont accepté. Fa ashar, on l'attribue pas à Allah Azzawajal. Parce que le char en lui-même, le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est un bien. Pourquoi? Afin de nous éprouver. Comme a dit Jalla wa ala, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Allah Azzawajal nous éprouve par le mal afin qu'apparaisse ni celui qui est patient, et nous éprouve par le bien afin de faire apparaître celui qui est quoi? Qui est reconnaissant. Fait le fait qu'Allah Azzawajal nous éprouve, qu'il a créé le mal afin de nous éprouver, c'est un bien. Car comme il a été dit, il y en a de certains salafs, lorsque tout va bien, ils font pareil. Lorsque il est touché par une fitna, fa'ana, tu vois celui qui est sabit et celui qui n'est pas sabit. Fait le mal, il y a une hikma à travers cela afin de voir celui qui est sabit. Ama lorsque tout va bien, lorsqu'il est touché par un petit truc, khalas, il commence à avoir des mauvaises pensées par Allah, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ashar, c'est un bien en lui-même, parce que Allah nous éprouve à travers cela. Et il fait apparaître celui qui est patient et celui qui ne l'est pas, afin de rétribuer celui qui est patient, et afin que se rattrape celui qui ne l'est pas. Fa le mal en lui-même, c'est pas un mal. L'argent, ça peut être une source de bien ou de mal pour celui qui va l'utiliser en bien et celui qui va l'utiliser en mal. À Shaytan, qui est la source du mal, celui qui appelle en mal, il y a un mal pour qui? Pour celui qui va répondre à l'appel de Shaytan. Lakin, celui qui répond pas à l'appel de Shaytan, c'est pas un mal pour lui, c'est un bien. Ça montre la peau à la force de sa foi et qu'il a résisté. Il a pas été séduit par l'appel de Shaytan. Donc Shaytan en lui-même, c'est pas un mal pour nous. C'est un mal pour celui qui répond à l'appel de Shaytan. Enfin, là, c'est là qu'on comprend. Le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est un bien. Il devient un mal à partir du moment où il est attribué à une personne qui l'a utilisé dans le mal. Ça, c'est important à savoir. Enfin, ce que tu as fait dans le mal, ça, c'est tes œuvres. Qala ana bika wa ilayk. Bika, c'est-à-dire ibtida'an. C'est comme inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est toi qui m'as créé et vers toi le retour. Donc comme on a pu évoquer avec Mahya wa Mamati, ma vie est pour Allah, je l'ai sujetée pour Allah, et je n'oublie pas que cette vie d'ici-bas n'est pas un passage éternel, lakin c'est plutôt n'est pas dans le but de rester dans la vie d'ici-bas, lakin c'est une mazara, c'est un champ dans lequel je plante, et inshallah je récolte après. Tabarak wa ta'alayt, ta'ziman illa subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alayt, yani Allah il est exalté, il est haut, c'est-à-dire que ce soit bidatihi, Allah subhanahu wa ta'ala fi sama, et au-dessus des cieux, que ce soit yani fi sifatihi, fa sifatuhu kullaha aliya, il ne comporte aucun défaut, fa à son parfait, à son hôte, et que ce soit yani fi qahrihi, Allah azza wa jal, yani il est dominateur. Qala astaghfiruka wa atubu ilayk. Au début, il a commencé par l'istighfar, et il finit par l'istighfar. Il a commencé par l'istighfar, فَغْفِلِّي ذُنُوبِ جَمِعَا. Et il a fini par الاستغفار والتوبة. هنا استغفرك ça englobe الندامة et demande إزالة وش الوسخ. Il regrette et demande Allah جل وعلا qu'il efface ce péché là afin de ne pas être châtié ou bien dévoilé dans la vie d'ici bas ou dans l'au-delà. وَأَتُوبُ إِلَيْكِ il demande Allah subhanahu wa ta'ala que il lui donne la réussite التوفيق afin de ne pas retomber dedans. Izalatu al-athar, qui ne retrouve pas ce péché-là dans quoi? Dans son cœur. Il ne retrouve pas plutôt l'envie de faire cela dans son cœur. Donc là, si l'istighfar et tawba, ils sont liés, à l'istighfar, ce sera pour izalatu al-wasakh, que le péché soit supprimé. Wa tawba, ce sera l'izalati al-athar, afin qu'il ne retrouve pas ce désir-là dans son cœur de recommencer. Qu'Allah lui donne le tawfiq. Naam. Comme on a pu voir, al-azima ala an la ya'uda fi dhanb. Fadawa, inshallah. Donc on se contente de cela. C'est un hadith qui est long, qui demande une explication. Fal muhim, c'est le but, c'est pas d'avancer rapidement, la kim c'est d'avancer يعني avec compréhension, afin qu'on dise ces termes-là et qu'on les ressente, et qu'il soit une istiftah, que ce soit, il ouvre nos cœurs pour entrer dans la prière de la meilleure des manières. Enfin, cette dua-là, ce dhikr, il est légiféré comme c'est la parole de l'imam Muslim et d'autres, comme Cheikh Al-Uthaymeen, lorsque c'est pour salawat al-nafila, pour salat al-layl, et non pas dans les prières qui sont obligatoires, car c'est une dua qui est assez longue, et c'est pas connu qu'il marquait un temps d'arrêt aussi long entre le dua et le takbir et l'ihram et al-fatiha. Nasallah azza wa jal an yanfa'ana wa yakum bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.